que j'ai écouté, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, et si quelqu'un nous dit, oui, mais eux, ils viennent et ils nous souhaitent bonne fête lorsque ce sont nos fêtes de l'Aïd, que ce soit l'Aïd, l'Aïd al-Fitr, après le Ramadan, ou que ce soit l'Aïd al-Adha, qui est appelé ici également l'Aïd al-Kabir. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, si quelqu'un nous dit que oui, mais eux, ils nous souhaitent bonne fête pour nos fêtes religieuses. Alors, Cheikh, il dit, la différence, c'est que nous, nos fêtes, elles sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les agrée. Naam. Et Allah les agrée. Tandis que leurs fêtes, comme il a dit également dans cette fatwa, et il l'a redit également dans l'audio que j'ai écouté, Cheikh, il dit, quant aux fêtes des mécréants, soit ce sont des fêtes innovées, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas partie de leur religion à l'origine, ou soit ce sont des fêtes qui faisaient partie de leur religion à l'origine, mais vu que leur religion a été abrogée par l'islam, donc ce sont des fêtes qui sont aujourd'hui abrogées, donc nous n'avons pas à leur souhaiter bonne fête pour ces fêtes qui sont innovées et qui ne font pas partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc c'était une petite introduction avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, car comme vous savez, pour les mécréants, c'est bientôt la fête de Noël, puis après ils fêtent également le jour de l'an, et toutes ces choses sont des choses dans lesquelles le musulman ne doit pas imiter les mécréants, il ne doit pas participer à cela sous aucune forme. Donc, je continue donc le cours sur le dogme des gens de la Sunna de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et dans le cours précédent, qui était un cours introductif, nous avons rapporté la parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour l'adorer. Puis il a cité le verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et j'avais commencé à expliquer donc qu'est-ce qu'était l'adoration telle que l'a défini Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et j'avais rapporté donc que Cheikh al-Islam dit ou définit l'adoration en disant innal ibada ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc, Cheikh al-Islam, il dit que l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. Ou, si tu veux, tu peux dire extérieur et intérieur. Donc nous avions expliqué cette définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et également, il a une autre définition, Cheikh al-Islam, en ce qui concerne l'adoration, il dit également Al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bihi ala al-sinati ar-rusul. Une autre définition que Cheikh al-Islam a donnée de l'adoration, c'est qu'il dit l'adoration, c'est l'obéissance à Allah en faisant ce qu'il a ordonné à travers le message ou à travers le message de ses prophètes. C'est l'obéissance d'Allah en faisant ce qu'il a ordonné à travers le message de ses prophètes. وشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله le Cheikh عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn عبد الوهاب رحمه الله dans son explication de Kitab al-Tawhid qui s'appelle Fath al-Majid il a rapporté d'Ibn Kathir qu'Ibn Kathir disait, en ce qui concerne l'adoration, il disait وَعِبَادَتُهُ هِيَ طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ وَذَلِكَ هُوَ حَقِيقَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْلَامِ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ تَعَالَى الْمُتَضَمِّنُ غَايَةَ الْإِنْقِيَادِ وَالذُّلِّ وَالْخُضُوعِ. Donc, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikh, dans Fath al-Majid, il rapporte d'Ibn Kathir qu'il disait l'adoration, yani son adoration, yani l'adoration d'Allah, c'est de lui obéir en faisant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Et ceci, c'est la réalité de la religion de l'islam. Car la signification de l'islam, c'est la soumission à Allah qui implique la soumission totale avec humilité, avec humilité. Et Cheikh Saleh Ali Sheikh, également, il a une définition de l'adoration dans laquelle il dit que l'adoration, d'un point de vue religieux, c'est de faire les ordres d'Allah, de suivre les ordres d'Allah et ses interdits, c'est-à-dire de faire les ordres et de délaisser les interdits avec amour, espoir et crainte. Avec amour, espoir et crainte. Et dans cette définition de Cheikh Saleh Ali Sheikh, vous voyez donc, parmi les choses nouvelles qu'il a apportées, c'est le fait que l'adoration doit être accompagnée d'amour, d'espérance ou d'espoir, et de crainte. Et ces trois choses-là, l'amour, la crainte et l'espérance, comme les savants l'appellent, ce sont les piliers de l'adoration. C'est-à-dire que dans chaque adoration, tu dois avoir ces trois choses-là. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce qu'Allah t'a ordonné et tu t'écartes de ce qu'Allah a interdit par amour pour Allah et en espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense et par crainte de la colère d'Allah et de son châtiment. Ces trois choses-là doivent se retrouver dans chaque adoration que tu fais pour que ton adoration soit parfaite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, comme il nous a informé dans le verset que nous avons cité précédemment. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et parmi les créatures, certaines ont concrétisé cette adoration pour laquelle ils ont été créés. Et ce sont les croyants. Et d'autres ne l'ont pas concrétisé. Mais ils se sont enorgueillis. Et ce sont les mécréants sous toutes leurs formes. Et là, j'aimerais vous lire l'explication d'Ibn Kathir sur ce verset, qui est une explication vraiment bénéfique, inshallah ta'ala. Il dit, Ibn Kathir, en expliquant ce verset, la signification de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour qu'il l'adore, seul, sans lui attribuer d'associé. Donc quiconque lui obéit, Allah le récompensera d'une énorme récompense. Et quiconque lui désobéit, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Et Allah nous informe dans ces versets qu'il n'a pas besoin de ses créatures, mais que ce sont eux qui ont besoin de lui dans toutes leurs affaires. car c'est lui certes leur créateur, c'est lui celui qui leur accorde la subsistance. L'imam Ahmed rahimahullah rapporté d'Abu Huraira radiallahu anhu qu'il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est un hadith qudsi, c'est un hadith divin, c'est une parole, un hadith divin, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne fait pas partie du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ton et je remplirai ta poitrine de richesse et je comblerai ta pauvreté. Et si tu ne fais pas cela, c'est-à-dire si tu ne m'adores pas, je remplirai ta poitrine d'occupation et je ne comblerai pas ta pauvreté. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et également le Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, dans son exégèse, son interprétation du Coran, lors de ce verset, lorsqu'il a expliqué ce verset, il dit, ce verset, ou plutôt il dit, ceci, c'est-à-dire yani, ce qui est cité dans ce verset, qui est donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils l'adorent, il dit, ceci est le but pour lequel Allah a créé les djinns et les hommes. Et il a envoyé tous les messagers pour appeler à cela, qui est son adoration, impliquant sa connaissance, yani la connaissance d'Allah, son amour, yani l'amour d'Allah, le fait de revenir à lui, de se repentir à lui, et de venir à lui, et de se détourner de tout autre que lui. Et ceci implique la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la perfection de l'adoration repose sur la connaissance d'Allah. Et plus le serviteur va connaître, plus le serviteur va augmenter dans la connaissance de son Seigneur, et plus son adoration sera parfaite. Donc c'est ceci pour lequel Allah a créé les créatures, et ne les a pas créées car il a besoin d'eux. Il ne recherche d'eux aucune subsistance. Il ne cherche pas auprès d'eux qu'ils le nourrissent. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le riche, qui enrichit et qui n'a besoin de rien et qui n'a besoin de personne. Mais au contraire, ce sont toutes les créatures qui ont besoin de lui pour tous leurs besoins et toutes leurs demandes, que ce soit des choses indispensables ou autres. C'est ainsi que se termine la parole de Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, que je voulais citer en explication de ce verset. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ جَمِيعًا لِهَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ لِيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَيَأْمُرُوهُمْ بِهَا وَيُوَضِّحُوهَا لَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc Cheikh il dit, Allah a donc envoyé tous les messagers pour cette chose immense, pour inviter les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour appeler les gens à adorer Allah et leur ordonner cela. et leur expliquer l'adoration, et pour leur expliquer l'adoration, ce qu'est l'adoration. Allah dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tagout. Le tagout, comme disait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, huwa shaytan. Le tagout, c'est le shaytan, c'est le diable. Naam. Yani, le chef des tagouts, le chef des tawarites, c'est shaytan, c'est le diable, Satan. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a une définition du tagout qui englobe tous les types de tagout. Car Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il dit que le tagout c'est le shaytan, il vise par là la tête des tawarites, le chef des tawarites. Car tous les autres ne sont que des personnes qui suivent le shaytan. Et donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il donne une définition du tagout qui est très bénéfique et qui englobe tous les types de tagout, tous les types de tawarites, afwan. Il dit Ibn al-Qayyim, الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. C'est-à-dire que le tagout, le mot tagout en arabe, il dit tel qu'il est voulu dans la religion, le mot tagout, il désigne toute créature qui dépasse sa limite, que ce soit une chose qui est adorée, ou qui est suivie, ou qui est obéie. Puis il continue et il explique et il dit فَتَارُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمٌ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc le tagout de chaque peuple, c'est celui vers qui il se retourne dans le jugement autre qu'Allah et son messager, ni dans ce qui contredit Allah et son messager, ou alors qu'ils adorent toute chose qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou alors toute chose qu'ils suivent sans avoir de clairvoyance et sans avoir de preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut suivre cette chose-là, ou toute personne qu'ils vont obéir dans des choses qu'ils ne savent pas que ceci fait partie de l'obéissance à Allah. Puis il dit Ibn al-Qayyim, فَهَذِهِ تَوَارِيتُ الْعَالَمِ. Voici donc les tawarites du monde. إِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ أَعْرَضَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ وَعَنِ التَّحَاكُمِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. Puis il termine Ibn al-Qayyim en disant, et si tu médites cette définition, et que tu médites et tu regardes l'état des gens avec cette définition, tu trouveras que la majorité des gens s'est détournée de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer un tagout, et qu'ils se sont détournés du jugement vers Allah et vers son messager pour aller au jugement vers le Tarout et qu'ils se sont détournés de l'obéissance d'Allah et du suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers l'obéissance du Tarout et son suivi. Donc, le résumé de cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que le Tarout, le mot Tarout, il désigne toute créature qui dépasse sa limite, qu'il soit adoré, suivi ou obéi. Toute créature, naam, toute créature que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un tarout, si jamais il adresse cette adoration. Car les prophètes comme Isa alayhi salam, qui est adoré par les chrétiens, lui il n'agrée pas, il n'est pas satisfait. Et il ne cautionne pas l'adoration que les chrétiens lui vouent. Donc il ne rentre pas dans les tawarit. Mais toute créature qui est adorée et qui accepte cette adoration, cette créature est un tarout. Et également, toute créature qui est suivie dans la contradiction à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également, c'est un tarout s'il agresse cela et qu'il accepte cela. Et toute créature qui est obéie dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en connaissance de cause et qui accepte cela également, il est considéré comme un tarout. Donc, tous les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés avec ces deux paroles. Adorer Allah et délaisser le tarout. Et dans ces deux paroles, vous voyez qu'il y a quoi ? Qu'il y a une affirmation et une négation. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les prophètes sont venus pour dire adorer Allah, ceci c'est quoi ? C'est l'affirmation. L'affirmation de quoi ? L'affirmation que l'adoration doit être vouée à Allah seul. Et dans la parole écartez-vous du tarout, des fausses divinités. Dans la parole écartez-vous du tarout, il y a dans cela la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la signification du tawhid, du monothéisme. Et ceci est la signification de la ilaha illallah. Ceci est la signification de la parole, du témoignage de foi en islam, la ilaha illallah, qui contient également une négation et une affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, dans la ilaha, et l'affirmation que l'adoration revient à Allah seul, sans lui attribuer d'associé, qui se retrouve dans la parole illallah. Et dans l'autre verset également, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dans l'autre verset, Allah il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, et quiconque mécroit au tarout et croit en Allah, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est certes l'audient, l'omniscient. Donc vous voyez que la parole « La ilaha illallah » contient une affirmation et une négation. L'affirmation qui se retrouve dans, ou plutôt une négation et une affirmation. La négation qui se retrouve dans « La ilaha » qui est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. C'est la négation de toute divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole illallah, il y a l'affirmation que Allah est le seul Dieu qui mérite d'être adoré et qu'il est la seule vraie divinité. Et également, dans le message de tous les prophètes, comme Allah nous l'a dit dans ce verset, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout », les fausses divinités. On le traduit comme ça, pour résumer, pour ne pas rentrer dans toute l'explication. Donc, tous les prophètes sont venus avec ce message « Adorez Allah », donc l'affirmation que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah. Et écartez-vous du Tarout, la négation de l'adoration à autre qu'Allah. Donc, c'est sur cela que le prêche de tous les prophètes a été bâti. Sur ces deux bases. L'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction d'adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hakada, jami'ur rusul. Cheikh Ibn Baz, il dit, Hakada, jami'ur rusul, bu'ithu li hadha al-amri al-azim, li ya'muru an-nas an ya'budu Allah wahdahu duna kulli ma siwah. Wa yaqulu subhanahu, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est ainsi que tous les messagers ont été envoyés avec cette chose immense, qui est d'ordonner aux gens d'adorer Allah seul, en dehors de toute autre chose. Et Allah également, il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous ne lui ayons révélé qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adoré à part moi, donc adorez-moi. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il dit, وهذه العبادة التي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم كما في قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc Cheikh, il dit, cette adoration pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire les créatures, et pour laquelle et avec laquelle les messagers ont été envoyés, Allah leur a ordonné aux créatures dans plusieurs passages de son immense livre, le Coran, comme dans la sourate la vache, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Et à la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc, la suite de ce verset, je relis le verset et avec sa suite, car le verset qui suit, est rattaché au premier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens des versets, il dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous, peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel une cloison, ou un édifice, qui a fait descendre du ciel de l'eau, la pluie, de telle sorte qu'il en a fait sortir qu'il fait sortir grâce à elle, grâce à la pluie, toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. N'attribuez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez. Ibn Kathir, dans son exégèse, lorsqu'il explique ce verset, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui possède cet univers et tous ceux qui vivent dans cet univers, et celui qui accorde la subsistance à tous ceux qui vivent dans cet univers. Et c'est pour cela qu'il mérite d'être adoré lui seul, et qu'on ne lui attribue aucun autre associé. Et c'est pour cela qu'il a dit, n'attribuez pas d'associé à Allah alors que vous savez. C'est-à-dire, n'associez pas à Allah autre que lui. Parmi les égaux que certains lui accordent ou lui attribuent, n'associez pas à Allah autre que lui parmi les choses qui ne sont ni nuisibles ni profitables pour vous, et alors que vous savez que vous n'avez pas d'autre Seigneur qui vous accorde votre subsistance à part lui, et que vous avez su que ce à quoi vous appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme monothéisme est la vérité sur laquelle il n'y a aucun doute. Puis Ibn Kathir, il rapporte un hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui se trouve dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, dans lesquels Ibn Mas'ud, il dit: j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu attribues à Allah un égal alors que c'est lui seul qui t'a créé. Et également dans le hadith de Mu'adh qui est bien connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Mu'adh et lui a dit: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures? Puis dans la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: c'est que les créatures l'adorent sans lui attribuer d'associé. C'est qu'il l'adore en ne lui attribuant aucun associé. Également, toujours dans ces versets, Ibn Kathir, dans son exégèse, il dit: ce verset prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, seul et sans associé. Et beaucoup parmi les exégètes ont pris ces versets comme preuve sur l'existence du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car quiconque médite sur les créatures qui existent ici-bas et dans les cieux, quiconque médite sur ces créatures avec leur divergence, leur différence de forme, de couleur, leur différence de nature, et quiconque médite sur la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé leur bienfait avec perfection, quiconque va méditer sur cela va savoir la puissance de leur créateur, du créateur de toutes ces créatures. Il va également savoir la sagesse de ce créateur. Il va savoir la science de ce créateur et la perfection de ce créateur et l'immensité de son pouvoir. Quand vous voyez, c'est ici que se termine donc la parole de Ibn Kathir, rahimahullah. Quand vous voyez la perfection de cet univers, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait chaque chose avec perfection, au millimètre près et à la seconde près. Et pour les personnes qui ont des connaissances dans les choses de la nature, ou bien les personnes qui regardent des documentaires de temps en temps sur la nature, ils se rendent compte de la perfection et de la précision avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses. Donc, tout cela prouve la présence du Créateur, car des choses qui sont faites avec une telle perfection ne peuvent pas être le fruit du hasard. Les cieux et la terre, tous les animaux qu'il y a sur terre, la chaîne alimentaire, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser la végétation et nous accorde fruits et légumes. Celui qui médite sur toutes les choses de cet univers, il ne peut que se rendre à l'évidence qu'il y a un créateur qui gère tout ça et qui organise tout ça avec perfection. Car le hasard ne peut pas donner quelque chose de parfait, mais il va donner quelque chose d'irrégulier. Et donc la régularité prouve la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala et sa présence. Et regardez bien que dans ce verset, ou dans ces deux versets, vous trouvez, si jamais vous prenez le Coran en le commençant du début de Sourate al-Fatiha, puis ensuite Sourate al-Fatiha, puis Sourate al-Baqara, la Sourate la vache, vous trouverez que ces deux versets contiennent le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran, et la première interdiction également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans ce Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier ordre qu'il a donné, c'est dans ce verset, lorsqu'il dit « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur » à l'impératif, c'est un ordre. Et c'est le premier ordre qui est venu dans le Coran lorsque tu le prends du début. Et également, dans le deuxième verset, dans le verset qui suit, c'est le premier interdit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit n'attribuez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, ou dans ces deux versets, selon l'ordre des sourates du Coran, dans ces deux versets, il y a le premier ordre, qui est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer notre Seigneur qui nous a créés et qui a créé toutes les créatures. Et il y a le premier interdit, qui est l'interdiction d'attribuer à Allah un associé dans l'adoration. Et ceci donc nous prouve l'importance du tawhid, l'importance du monothéisme, l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et également, ceci nous montre le danger, l'immense danger de la mécréance et du polythéisme et d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Ibn Baz, et c'est là-dessus que je vais terminer le cours d'aujourd'hui, puis Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit « وَقَالَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية وقال في سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Donc, pour finir donc le cours d'aujourd'hui, avec ces dernières paroles de Cheikh Ibn Baz, dans lesquelles il vient donc appuyer ce qu'il a dit, il dit comme quoi que tous les prophètes sont venus avec le message donc d'adorer Allah et de ne pas lui attribuer d'associé, et que c'est le but pour lequel nous avons été créés. Donc Cheikh Ibn Baz vient et apporte plusieurs versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif. Donc il dit, Cheikh Ibn Baz, il dit, Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, et adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit. Et dans la sourate Bani Israël, les enfants d'Israël, qui est la sourate 17 également, on l'appelle sourate Al-Isra, on l'appelle la sourate de l'ascension nocturne, ou du voyage nocturne, Afwan, la sourate du voyage nocturne, et elle est également appelée sourate Bani Israël, yani les enfants d'Israël. Donc dans cette sourate également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et la bienfaisance envers les parents, etc. Il a cité d'autres choses. Et également dans la sourate Al-Bayyina, sourate La Preuve, numéro 98, Allah a également dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Et il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. » Et également dans un autre verset, Allah dit « Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. N'est-ce pas à Allah que revient le culte exclusif ?» Donc tout cela pour nous montrer l'importance du tawhid, l'importance du monothéisme, l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui vouer un culte exclusif, de n'adorer que lui, et de s'écarter de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit cette chose, que ce soit un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce soit un prophète messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature ne mérite d'être adorée, que ce soit un ange ou un prophète. Le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam, ne mérite pas d'être adoré. Et le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne mérite pas d'être adoré. Et donc si le meilleur des anges et le meilleur des prophètes ne méritent pas d'être adorés, toute créature en dehors d'eux, qui sont en dessous d'eux, également ne mérite pas d'être adorée. Mais il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré. Et c'est sur ceci que je termine le cours d'aujourd'hui, et je vous dis que le prochain cours sera dans 2 semaines, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.